since you left, I've got me somebody. Toujours à l'écoute du 89.5, si vous êtes derrière le poste ou derrière l'écran d'ailleurs, si vous nous écoutez via les www.radiodio.org, vous êtes sur Radio Dio, sur Saint-Étienne et Périphérie, Radio Dio qui entame sa rentrée, elle aussi, 2025-2026. Vous le savez, hein, depuis quelques jours, c'est un peu la reprise progressive de nos programmes habituels, de notre grille habituelle, avec cependant peut-être bien quelques petites modifications, quelques petits changements ici et là, mais c'est en tout cas une saison 2025-2026 qui se réengage. Et c'est le cas pour bon nombre d'associations et c'est la raison pour laquelle nous sommes sur ce week-end de la vie associative, sorte de forum associatif de la ville de Saint-Étienne qui a lieu ce week-end, c'est samedi et dimanche au Parc Expo Hall A, Hall B, plein Achille ici à Saint-Étienne, où des centaines d'associations sont présentes et où le public peut venir à la rencontre de ces associations pour éventuellement trouver un loisir, une activité, prendre des informations, s'engager pour une cause ou une autre, etc. Bref, plein de propositions faite sur ce week-end. Une de ces propositions, elle est via notre radio associative, puisque nous sommes aussi une association. Elle est d'être présente ici pour cette opération toute cette journée, avec l'invitation faite auprès de différentes associations tout au long de cette journée pour en faire un petit peu le portrait, la présentation, une petite sélection très réduite d'une quinzaine d'associations sur les près de 260 qui sont présentes durant ce week-end. Alors une nouvelle association nous a rejoint ici sur le plateau et au micro. Il s'agit de l'association Avenir Dysphasie Loire, représentée par sa présidente Blandine Rivollier qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Radio Dio déjà. Alors, l'idée est de présenter cette association. On a eu ce matin, par exemple, des associations assez historiques, bien implantées dans la ville depuis de longues années, de toutes jeunes associations aussi, toutes récentes, qui venant de se créer d'il y a quelques semaines. Qu'est-ce qu'il en est pour l'association Avenir Dysphasie Loire ? Est-ce que c'est une association récente, là aussi plutôt ancienne, implantée sur la ville de longue date ? Qu'est-ce qu'il en est pour nous présenter un petit peu l'association ? Alors, non, l'association Avenir Dysphasie Loire a 25 ans, puisqu'elle a été créée en 2000. Le siège social a été initialement sur Sorbier. Là, aujourd'hui, elle est sur Saint-Étienne, parce que c'est plus accessible pour un certain nombre de familles. Cette association est vraiment destinée à soutenir les familles à la base. C'est une association de parents bénévoles qui font ça vraiment bénévolement pour le soutien aux familles en priorité. Après, elle est aussi là pour aider les professionnels qui sont en demande, c'est-à-dire les enseignants, les AESH. On participe à plusieurs ateliers, que ce soit au rectorat de Lyon. On est sollicité de plus en plus aussi par des entreprises qui nous sollicitent pour faire de la sensibilisation, les centres sociaux. Il faut savoir aussi qu'on s'appelle Avenir Dysphasie Loire et qu'au niveau national aussi, l'appellation va être un petit peu modifiée. Donc on sera toujours AAD Loire, mais ajouté TDL, ce qui signifie trouble du langage, qui représente tous les troubles 10. Parce qu'en fait, on est une des seules associations dans la Loire sur les troubles 10 à résister. On était interpellés par beaucoup de parents pour d'autres troubles 10 que la dysphasie. Donc on a décidé d'étendre notre champ à tous les troubles 10 au jour d'aujourd'hui. D'accord. Alors on va essayer d'y voir peut-être un peu plus clair, justement. Oui. Parce que vous parlez d'Avenir Dysphasie Loire. Est-ce que c'est une association qui est à distinguer ? Parce que j'avais vu d'autres associations existantes un petit peu sur ces questions, dont Relais Avenir Loire, c'est la même chose ? Non, pas du tout. Pas du tout. Et le réseau 1042, c'est encore autre chose ? C'est encore autre chose. D'accord. Oui. Alors, est-ce que c'est simplement, un réseau et vous travaillez en partenariat tout de même avec cette association en complément ou de façon complémentaire ? Ou si elle est à distinguer, de quelle manière et pour quelle raison ? Non, alors le réseau 10 était essentiellement plus pour les professionnels. C'était un réseau qui comprenait des professionnels de santé. D'accord. Qui étaient là pour subvenir aux besoins dans les établissements scolaires, entre autres. C'était vraiment destiné. C'était créé par le réseau par des professionnels. C'était des professionnels qui étaient dans ce réseau. D'accord. Pour le relais ? Et le relais, par contre, non, on n'est pas du tout concerné à eux par quoi que ce soit. D'accord. Et alors vous, c'est plutôt des, alors vous l'avez expliqué tout à l'heure, des bénévoles et parents. Oui. De personnes concernées. Oui, essentiellement. Oui. Alors vous n'avez quand même pas parlé d'un seul public, peut-être celui directement concerné, mais c'est peut-être justement l'objet, parce que d'autres interviennent aussi sur ce champ-là en complément. Si vous parlez de parents, c'est que ce sont des enfants, bien souvent, qui sont concernés. Oui, enfants. Et donc, mais vous, ce n'est pas le public sur lequel vous intervenez, vous travaillez finalement. Alors en fait, on intervient sur toutes les personnes qui sont en demande. Voilà, que ce soit des enfants ou des jeunes adultes ou même des adultes, parce qu'on a de plus en plus de personnes qui sont diagnostiquées aussi à l'âge adulte et qui sont en recherche de soutien. Donc d'ailleurs sur ce week-end j'ai rencontré des adultes qui sont venus sur le stand justement parce qu'elles sont démunies. Donc voilà, on est aussi là pour ces personnes-là, pas que pour les enfants. D'accord. Parce que c'était un petit peu l'objet de ma question, en me disant, ça se trouve aussi, les enfants peuvent être accompagnés et pris en charge de cette manière, et vous, votre vocation était vraiment d'accompagner les parents qui peuvent souvent être démunis. Alors non, les parents vraiment... et les personnes 10. D'accord. C'est vrai que je me suis mal exprimée, mais c'est vraiment... Non, pas de souci. Voilà. C'était pour bien comprendre. Et alors, pour bien comprendre encore, on va parler de 10. Alors vous l'avez dit, vous allez élargir l'intitulé de votre association, parce que qu'est-ce que la dysphasie au fond ? Parce que là, on parle de dysphasie pour votre association. On parle de 10 qui recouvre de multiples champs. Il y a des 10 lexi, 10 calculi, 10 praxi, 10... orthographiques. Voilà, il y en a beaucoup. Dysphasie, enfin comment, voilà, quelle est la... Non, la dysphasie, c'est un trouble durable et permanent du langage oral. Et elle peut être expressive ou réceptive. Et donc elle peut être soit réceptive, soit expressive, soit mixte, c'est-à-dire qu'elle comporte les deux. Voilà. Souvent, il faut savoir qu'un trouble 10 est accompagné de plusieurs troubles 10. Quand on est 10, on est souvent multi-10. Voilà. Il faut savoir qu'un dyslexique, souvent, est dysorthographique, ce qui va un petit peu ensemble. Un dysphasique est souvent dyspraxique. En même temps, il y a souvent des troubles de la motricité, des troubles du geste. Voilà. Mais c'est très, très souvent qu'on n'est jamais 10, on n'a pas qu'un 10, on a souvent plusieurs 10. D'autres troubles associés. Voilà. Pour la dysphasie, qui est un petit peu votre spécialité, vous parlez de troubles du langage. Oui. Expressif, réceptif, ce qui signifie, en gros, c'est quoi ? C'est ne pas arriver à formuler, exprimer sa pensée. C'est ça. C'est manque d'attention réceptive, par exemple, de mal comprendre. Enfin voilà, qu'est-ce que ça recouvre exactement ? Oui. Expressif, c'est ne pas trouver le champ verbal en fait pour s'exprimer. Et réceptive, c'est ne pas comprendre l'environnement. Enfin voilà, les mots qui sont dits, les phrases qui sont posées. Voilà, au niveau du cerveau. Donc une personne qui est dysphasique sévère, c'est très compliqué en fait, parce qu'elle ne peut pas parler, enfin ne réussit pas à trouver les mots et ne comprend pas, a du mal à comprendre ce qui lui est demandé. Donc c'est souvent, si c'est des jeunes enfants, on passe par des pictogrammes pour avoir ne serait-ce qu'une interaction avec lui. Et puis après, ce qui est mieux quand les enfants savent lire, c'est de passer par des consignes écrites et vérifier aussi la compréhension orale. Vérifier que la consigne écrite est bien comprise de manière orale. Alors, on parle beaucoup de 10 à l'école, parce qu'on voit des dispositifs, peut-être d'accompagnement un peu spécialisé. Est-ce que c'est suffisant déjà ? Et au-delà du milieu scolaire, je dirais, vous intervenez auprès de parents. Donc c'est aussi dans le cercle familial, avec des parents qui peuvent parfois être démunis. Quel là l'accompagnement peut être mis en place ? Parce que j'imagine qu'il n'y a pas de dispositif institutionnel, entre guillemets, comme en milieu scolaire, par exemple. Et donc comment se passe aussi le suivi et l'accompagnement dans ces cadres-là différents ? Alors c'est vrai qu'au niveau scolaire, il y a plusieurs choses qui sont à mettre en place. Souvent, maintenant, on propose des PAP aux enfants. C'est ça. C'est important de mettre les choses en place le plus rapidement possible pour pouvoir aider l'enfant sur le plan scolaire. Donc nous, c'est vrai qu'en tant qu'association, on est là pour aider les familles à monter ces dossiers auprès de la MDPH. ne serait-ce que pour demander. Attention aux acronymes, juste préciser. Maison départementale des personnes handicapées. Voilà, c'est pas toujours évident de faire le deuil un peu de l'enfant idéal et de se dire qu'il faut passer par cette étape pour aider son enfant. Donc c'est vrai que c'est vraiment notre rôle principal, on va dire, d'être en soutien pour ces familles, de parler avec elles, d'échanger et de les accompagner dans cette démarche qui n'est pas évidente. Il y a pour vous des interventions, des initiatives qui se déroulent de quelle manière ? Comment l'association Dysphasie-Loire, Avenir Dysphasie-Loire, intervient ? Alors en fait, on essaye d'être connu au maximum. Donc là on a une page Facebook, on va créer un compte Instagram parce qu'il faut se mettre un petit peu au goût du jour. On communique aussi beaucoup par notre journée nationale qu'on fait toutes les années au mois d'octobre. On en reparlera peut-être un petit peu après. Donc c'est vrai que c'est notre grosse journée de communication. Le but, pareil de ce week-end, c'est que les familles nous connaissent, viennent vers nous, nous sollicitent. Et par rapport à leurs besoins, on essaye de répondre à leurs attentes. C'est-à-dire que si c'est un besoin pour monter un dossier, on sera là. Ça va être un accompagnement administratif, par exemple. Voilà, ça peut être un accompagnement scolaire, besoin d'avoir une guidance. Ça peut être le fait d'avoir besoin d'échanger avec d'autres parents dans la même problématique. Donc là, on est en train de... Une sorte de café un peu... On est en train de travailler sur ce projet-là. Et puis, on a créé un groupe enfants, jeunes, adultes, où on propose des animations régulièrement que l'association essaye de financer avec des dons. Alors qu'on essaye de prévoir d'une année sur l'autre. Et puis, quelques subventions aussi également. Et vous touchez un public nombreux ? Enfin, de nombreuses personnes sont concernées, vous contactent ? Oui, un petit peu moins depuis les années Covid. Depuis l'année Covid, on a eu une baisse un peu des adhésions. Après, les personnes nous contactent un petit peu des fois pour des questions. Et puis quand on a répondu, on n'a pas de retour. Donc ça, c'est un peu frustrant. Donc c'est vrai qu'on est obligé un petit peu de rapidement demander aux familles de prendre la cotisation pour l'association pour nous permettre quand même de subvenir au minimum, ne serait-ce qu'à nos activités jeunes et au fonctionnement de l'association, quoi. On est de plus en plus dans de la consommation, j'allais dire, des personnes qui viennent ponctuellement pour des questions et qui ne donnent pas suite ensuite. Et pour nous, c'est un petit peu compliqué parce qu'en contrepartie, quand on a besoin de coups de main, ne serait-ce que ce week-end pour tenir le stand ou sur notre journée nationale des 10, en fait, on a peu d'adhérents qui nous répondent favorablement et on se sent seul, quoi. On n'est déjà pas nombreuses et en plus, quand on n'a pas de coup de main ponctuellement, c'est encore plus dur. J'imagine bien, et c'est comme c'est parfois le lot de bon nombre d'associations. Vous parliez tout à l'heure par rapport à l'association et l'ouverture aussi un petit peu plus large sur d'autres troubles du langage, avec ce changement qui va s'opérer de nom de l'association. On a l'impression aujourd'hui qu'il y a aussi effectivement cet élargissement, je dirais, des troubles. On parle beaucoup de troubles de l'attention, de troubles... Est-ce que ce sont des troubles qu'on associe aussi aux 10 qui peuvent être peut-être d'un autre ordre, je ne suis pas spécialiste dans toutes ces questions. Bien sûr, mais... c'est souvent ce qu'on appelle des TDAH, troubles déficitaires de l'attention, TDAH, sans hyperactivité. Voilà. Oui. Donc on peut très bien être 10, dysphasique par exemple, être hyperactif et puis avoir un problème d'attention. Voilà, ça c'est d'ailleurs très souvent que ça arrive chez une personne 10. Et alors quel moyen, alors vous au-delà de ce que vous avez annoncé tout à l'heure comme initiative possible, des temps d'échange, de discussion, de rencontres, mais quel autre moyen d'accompagnement sont possibles à mettre en place sur nous, à notre niveau, c'est de plus en plus difficile parce qu'en fait, au niveau médical, y a de moins en moins de pédopsychiatres pour orienter les familles. Si une famille vient vers nous avec des questionnements alors que l'enfant n'est pas diagnostiqué, c'est difficile d'envoyer la famille chez une orthophoniste parce que c'est pareil, il y a des listes d'attente qui sont vraiment très longues. Donc voilà, ça c'est un peu frustrant parce que par moment, on peut pas répondre favorablement quoi, comme on le voudrait. Du fait, ça c'est vraiment un manque de moyens réel, mais qui est là et voilà, on fait ce qu'on peut, mais donc c'est vrai que nous on essaye d'aider quand même avec des petites choses simples pour aider dans la vie quotidienne, mais si l'enfant n'est pas diagnostiqué, c'est la base de tout. Et on sait que plus la rééducation commence tôt et plus l'enfant va progresser. Oui, et dans la façon aussi, alors vous le disiez, de rééducation et de diagnostic, c'est là aussi où se pose parfois le problème en fait, hein, c'est d'arriver à diagnostiquer le problème de façon précise, évidente, et dans la rééducation, et là où j'ai l'impression que parfois aussi quelques polémiques sur les façons de travailler, de rééduquer. On parle beaucoup de traitements médicamenteux sur des TDAH par exemple, qui ne sont sans doute pas que la seule solution. Enfin voilà, j'imagine que là aussi, discussion sur l'ensemble de ces, un petit peu de ces points, non ? Oui, après c'est vrai qu'un enfant qui a un trouble déficitaire de l'attention, les traitements médicamenteux sont presque miraculeux si l'enfant le supporte bien. Et ça aide énormément à la rééducation, du langage, ça c'est certain. Voilà, après, toute la problématique est de trouver le bon médecin, enfin le médecin déjà, pas le bon médecin, mais le médecin, pour poser ce diagnostic et puis éventuellement le traitement. Et voilà. Alors les orthophonistes maintenant posent les diagnostics, mais voilà, elles posent un diagnostic, j'allais dire, simple. Après, tout ce qui est un peu plus poussé sur ce qui est trouble de l'attention, hyperactivité, c'est à un médecin de le poser. Et là aussi, le champ des professionnels de santé est très large aussi. C'est, vous parlez de pédopsychiatre, mais c'est aussi... Neuropédiatre aussi. Oui, ergothérapeute, orthophoniste. Voilà. Il y a tout un psychologue, neuropsychologue. Mmh. C'est tout un ensemble, un champ de métiers associés qui est très large aussi. Bien sûr. D'accord. Et là, vous êtes entouré aussi par justement un peu les, on va dire, ces partenaires-là du secteur plutôt hospitalier ou médico-social ? Non, pas du tout. On a quelques orthophonistes qui adhèrent à notre association, mais c'est tout. Alors après, on a le docteur Damon aussi qui est quand même bien présent pour l'association, d'ailleurs qui va intervenir là le 11 octobre à la journée nationale des 10. Voilà, après, on a en pénurie le médecin, quoi. D'accord. Alors oui, quelques mots sur cette journée nationale des 10 qui a lieu chaque année, qui eh bien, aura pour une nouvelle édition lieu le 11 octobre prochain. Oui. Hein ? Est-ce que vous pouvez nous en donner justement quelques mots, nous la présenter, nous dire comment ça va se passer, quel est aussi l'objet, alors on l'imagine, hein, de cette journée, comme c'est le cas souvent des journées nationales, c'est de rendre visible, pouvoir informer, communiquer, sensibiliser à une question, une cause ou une autre, celle des 10 en l'occurrence pour cette journée du 11 octobre. Comment va-t-elle se dérouler localement ? Voilà, présentez-nous un petit peu le déroulé, le programme prévu. Alors cette journée, elle va se dérouler le 11 octobre de 10h30 à 17h. Ça sera à la maison de l'emploi de Saint-Étienne. Donc c'est avenue Augustin Dupré. Oui, sur le boulevard, enfin presque, maison de l'emploi. Quoi. Voilà. Secteur Courriot. C'est ça. Voilà. Alors du coup, sur la journée, donc à partir de 10h30, les personnes auront accès à tous les stands. Il y aura un certain nombre de stands, j'en ai listé quelques-uns. Voilà, on aura la MDPH, on aura une auto-école, on aura un atelier de baskin. Enfin, voilà, c'est très diversifié. Un atelier de ? Baskin, c'est du basket adapté. Ok. Voilà. On devrait avoir aussi une avocate qui est là. Enfin, voilà, c'est très diversifié. Une bibliothèque sonore. Enfin, voilà. Des aides, du soutien, des informations. Les personnes pourront visiter ces stands sur toute la journée. Et puis l'après-midi, à partir de 14h, ça sera plutôt l'espace conférence. Donc là, cette année, on va parler... justement, le docteur Damon va intervenir sur les troubles déficitaires de l'attention, avec ou sans hyperactivité. On va aussi parler de l'intelligence artificielle, les aides qui sont apportées par un ergothérapeute. Et puis, la plateforme de représentation et de coordination qui vient d'ouvrir là, pour les 6-12 ans. voilà, va être présenté avec un petit état des lieux de la plateforme qui a été ouverte déjà depuis quelques années pour les 0-6 ans. D'accord. Et puis encore quelques interventions qu'on n'a pas encore, dont on attend quelques réponses. Confirmation. Alors, on aimerait avoir l'éducation nationale si c'est possible, ce serait très intéressant pour nous. Et puis on attend aussi des réponses de France Travail. Voilà, ce qu'on voudrait, parce que bon, c'est les défis à relever en 2025, donc pour nous c'était plus faire un petit état des lieux aussi où on en est en 2025. Et puis on aura en fin d'après-midi des témoignages de personnes 10, voilà, qui viendront nous expliquer elles-mêmes comment elles ont vécu les choses, où elles en sont aujourd'hui. Et ces témoignages sont importants parce qu'ils sont souvent vecteurs d'optimisme et de positivité. Voilà, donc on finit en général toujours par une note positive, enfin on essaye. Très bien, donc c'est la journée des 10, le 11 octobre prochain. Il y aura bien entendu une restauration rapide sur place. Voilà. Merci Blandine Rivollier. Merci à vous. Et puis on vous souhaite une bonne fin de journée ici sur ce WEVA, Forum Associatif, avant ce sort de Forum 10 prévu le 11 octobre, qui est la grande journée nationale pour cette grande cause. Donc vous... suivez attentivement via votre association. Peut-être un contact possible pour Avenir d'Isfazi-Loire si des auditeurs, auditrices souhaitent vous contacter. Oui, alors... Est-ce que vous auriez un site dédié ou un contact Alors, on peut nous joindre par mail avenir.disfazi42@proton.me. D'accord. Voilà. Très bien. Merci à vous. Merci. Bonne fin de journée. Vous aussi. Au revoir. Au revoir.